Selon une information en provenance de Corée du Sud, la cérémonie commune pour le repos des âmes à la mémoire des victimes de l'affaire de massacre de la commune de Rogun perpétrée pendant la dernière guerre par les troupiers américains a eu lieu le 2 courant au parc de la paix de la commune de Rogun, arrondissement de Yongdong, province du Chungcheong du Nord. Y ont pris part les membres de la Société des familles des victimes de l'affaire de la commune de Rogun et autres citadins de divers milieux.